là, bon, ben, cette anecdote, ben, moi j'étais copain avec lui, enfin on sympathisait, je m'occupais de ses enfants et tout, enfin je les soignais. Et puis un jour, en embuscade, et ben, on l'a tué, enfin il était. Et moi j'aurais pu, j'y allais seul comme ça, j'aurais pu me faire descendre comme rien.